bonne aventure, ni délire dans nos mains. Je ne m'effraie pas d'un futur obscur, car dans tes yeux j'ai vu nos lendemains. Quand la vie nous déchirera, tu sais, on n'y peut rien. Retiens les mots que je dis là, retiens que dans tes yeux j'ai vu nos lendemains. N'aie pas peur, viens, n'aie pas peur, viens. Un coin du ciel nous appartient. Et le temps nous épargnera la noirceur de l'adieu. Je ne l'ai pas lu dans les étoiles, aux cieux je l'ai seulement deviné dans tes yeux. Je ne l'ai pas lu dans les étoiles, aux cieux je l'ai seulement deviné dans tes yeux. Quand le temps aura gravé dans nos mains jointes l'éternité, je te ferai le même aveu. Tu sais, j'avais déjà deviné demain dans tes yeux.